Plus j'y repense et plus j'ai mal car je ne l'ai pas voulu dans ma tête. Y'a des soucis que je n'ai pas résolus. Il est temps de tourner la page mais la page ne se fermera pas. Un de ces jours j'aurai les pulsions que je vais faire la hagla. M'en voulez pas, ce n'est pas moi, j'y suis pour rien au fond. De ce que j'ai fait, j'ai agi comme un gros con. Je suis un soldat, ça tu pourras demander à ma famille. Quand je me bats, je vais au bout de mes rêves jusqu'à famine. Ça me fait mal d'en parler alors je garde tout sur moi. Mais de ton côté tu crois encore au on dit. Mais je suis sûr de moi, ne me juge pas sans me connaître. Il te faut des preuves, je vais te prouver par A plus B qu'on obtient C car je sais où je vais. Parce que j'en ai marre d'être celui que je ne suis pas à cause de vous. Je ne vois plus et je le vis mal. Je veux que tout s'arrête, j'en peux plus de tenir les murs. Car au final, je n'ai jamais joué les durs. Comme une pierre, je me sens triste, je suis pas un cœur de pierre. Regarde-moi en face, je ne veux pas devenir poussière. J'ai besoin d'air libre, d'air frais pour respirer à fond. Comme Socrate Ali, l'espoir te sort de l'ombre à fond. L'histoire de l'homme, je le connais car mon histoire est le mien. Je te le raconte car mon vécu infernal pourrait être le tien. Je déverse des larmes sur cette feuille car la plume ne soigne pas le bitume. Le ciel m'ignore en avalant des conneries quand il fume. Je vois la Méditerranée comme une issue de secours. Je ne souhaite pas connaître la vie d'un Jamel Debbouze. Je pense être lourd, mais je suis léger comme une plume. Et je pleure ma défaite quand je n'ai plus une thune. Je ne souhaite à personne de connaître ce passage délicat. Je m'en tape du système de merde. Je ne veux pas d'une vie à la Festina. Sortez-moi de ce trou noir. Je ne vois plus rien. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus un chien. Au final, être une pierre m'enferme pour changer de comportement. J'ai pas appris à réfléchir, j'ai fonctionné seulement salement. Au final, j'ai tourné la page d'un chapitre digne d'un enfer. Pourtant, mes erreurs sont grandes qui souhaitent partir en guerre. Comment effacer mes états d'âme? Je n'ai point la solution, tout comme vous au fait. Personne n'a fait la révolution. Quand on se fait mal, on oublie les conséquences et les actes. Peut-être trop pour être honnête, j'aurais pas dû sortir mes armes. J'ai pas appris à m'imposer car je suis trop gentil au fond sur la touche. Si je ne joue pas, c'est que je suis au banc. Comme une pierre, je me sens noir car mes rêves sont partis en fumée. Maintenant c'est va te faire enculer. Les poings serrés, je dois me battre contre moi-même. Tu ne m'entendras jamais crier le mot amen. C'est ma douleur qui coule sur l'encre noire. J'ai agi avec réflexion pour éviter le sang noir. J'ai...